Et voilà, en direct, on dit au revoir à Nora qui quitte. À bientôt. Merci à Cécile et Nora d'être venues. Kate Bush. Et juste après Kate Bush, pour les plus spécialistes et ceux qui ont l'oreille fine, vous aurez reconnu le début, la musique du début du Roi des Singes. C'est peut-être pas le vrai titre, hein, le Roi des Singes, c'est le titre aussi. La traduction, ça donnerait quoi en français ? C'est le Roi des Singes sème le désordre dans le palais céleste. C'est un peu trop compliqué. Oui, mais quand même, déjà, ça donne une autre vision des choses. On va parler donc d'animation chinoise avec Marie-Claire Kukmel, que je remercie encore une fois d'être venue. Il y a peu de choses décrites. Hein. Là, j'ai devant moi quelques petites choses. Donc, je remonte, parce qu'enfin, je le redis, je sais qu'on a la radio, donc voilà, mais les frères Wan et 60 ans de dessins animés chinois, qui étaient au Festival d'Annecy 85. Oui, grâce à Jean-Luc Sibéras. Hein, voilà, tout à fait. Donc, Marie-Claire Kukmel, il y a 30 ans. Donc, hein, il y a eu ça. Il y a le petit livret qui est intéressant d'impression de Montagne et d'eau. Voilà, qui était. D'ailleurs, je ne sais pas si c'est seulement moi, parce que. Oui, il a tellement été. Je leur ai fait des textes, mais après, ils ont. Ouais. Ils s'en sont occupés eux-mêmes, disons. Moi, j'étais en dehors du jeu. En dehors du jeu. Il y a un petit texte de Bruno Edera, oui. Dans la revue Cinéma, Images et Sons, qui date de juin 81. Oui, donc, il avait fait un gros dossier. Oui, c'était vraiment. En 83, il avait monté à Annecy, il avait amené un gros dossier. Il avait grand chose. Et quelque chose qui est anglais, qui s'appelle Animation in Asia and the Pacific, de John Libet, où il y a quelques pages sur la Chine au début, avec notamment John Lynch qui s'est occupé. C'est quelqu'un qui a beaucoup travaillé, encore actuellement, qui travaille beaucoup sur le cinéma d'animation chinois. D'accord. Et je ne savais pas David Ehrlich. Je ne savais pas qu'il était aussi, très. Ouais. Sûr, ouais. Donc voilà, qui a travaillé. Donc, mais peu de choses. Finalement, sur un cinéma qui est aussi. Il y a peu de choses sur l'animation en général, de toute façon. Mais particulièrement sur l'animation chinoise. Est-ce que c'est parce que souvent, on a réduit, on va voir que c'est pas ça, et même si Dieu sait s'ils ont fait des choses importantes au sud de Shanghai, au cinéma d'animation chinois ? Ils ont fait des choses très très importantes, mais pourquoi le cinéma d'animation chinois est si peu connu ? C'est presque incompréhensible, parce qu'il n'y a aucune raison. En fait, c'est un très très grand cinéma, le cinéma chinois d'animation, et tous les cinémas du monde maintenant sont connus. Tout ce qui est sorti des pays de l'Est, tout est sorti. Il n'y a que le cinéma chinois qui n'est jamais sorti. Bon, je pense que c'est un problème de langue, un problème de documentation qui n'existe pas en langue occidentale. Ça, c'est sûr que ça n'aide pas les gens à s'y retrouver. Et puis, les studios de Shanghai eux-mêmes n'avaient plus beaucoup de leurs propres œuvres. Donc, quand il y avait des festivals, très difficile de trouver des films pour montrer dans les festivals, soit venant de chez eux, soit venant des archives de Pékin. Y a beaucoup de films maintenant dont il faudrait retirer des copies. Oui. Alors revenons quand même sur un petit peu d'histoire. Comme je disais, je voulais et j'espère qu'on fera peut-être même deux émissions. En tout cas, on va déjà faire une émission un peu sur l'histoire et on va déborder un petit peu. Est-ce qu'on peut dire, moi j'ai lu ça partout et on lit ça un peu, donc c'est vraiment les quatre frères Wan qui commencent l'animation chinoise dans les années 20? En réalité, non. des travaux récents ont montré qu'en fait, malgré la légende et malgré que certains chercheurs chinois continuent à dire que c'est les frères Wan, en réalité, il y a eu d'autres choses déjà faites avant eux. Mais on ne sait pas tout. Mais enfin, on a déjà trouvé des choses parce que il y a un grand journal qui s'appelle le Shenbao, un journal de Shanghai, qui est paru déjà depuis 1872, je crois, jusqu'à 1941, quelque chose comme ça, et qui reportait sur justement les spectacles, etc. Et à cause du fait que ces archives ont été ouvertes, on a découvert que finalement il y avait eu des films faits et même projetés à Shanghai ou ailleurs, mais à Shanghai en tout cas, et que il fallait aussi le noter. Donc le premier grand livre qui a été fait sur le cinéma d'animation, c'est par les chercheurs des archives de Pékin, parce que la FIAF a eu sa réunion à Pékin, C'était la première fois qu'ils étaient en Chine. Il y a eu sa réunion en Pékin en 2012. Et à cette occasion, c'était le topic était, enfin, le sujet était l'animation dans les archives. Donc, du coup, eh ben, ils se sont dit, mais il faudrait peut-être qu'on fasse un livre. Alors, ils ont fait un gros dictionnaire. Et là, ils ont quand même cité le premier film, 1923. D'accord, Jean donc on commence là officiellement, parce que pour l'instant, comment dire, on a retrouvé des publicités, on a retrouvé des critiques, mais on n'a pas retrouvé de films en soi pour l'instant. Ah non, les films sont introuvables, oui. On les trouvera jamais, parce que c'est impossible avec toutes les guerres, en plus la chaleur, les films, bien sûr, ils n'ont pas survécu. Le premier film qui a survécu, c'est un film de 37, en fait, qui est au BFI, enfin qui était il y a quelques années, j'espère qu'il y a encore. Un film des frères Wan, des chansons de guerre de la résistance, et puis après c'est La princesse et l'éventail de fer. On n'a rien avant, c'est-à-dire que quand on parle des films, il y a ce film dans l'atelier par exemple, non, ou des choses comme ça, ça non. Pas. En fait, ce qui reste, c'est quelques films qui étaient dans des films de long métrage. Et puis dernièrement, les archives de Pékin ont retrouvé justement des éléments comme ça, qui en fait, à l'origine, étaient dans des films plus longs. Et ils ont sorti justement l'année de la FIAF, en 2012, un film comme ça qui s'appelle Le rat et la grenouille, qui vient justement d'un film plus long. Et ils l'ont rénové et montré. Et puis, dernièrement, aux archives de Hong Kong, il y a eu un spécial animation chinoise et il y a eu de nouveau un autre film qui a été montré. Mais il y en a aussi dont on ne parle jamais, en fait, qui sont dans des films de fiction. Moi, d'accord. J'ai trouvé... Il y avait des petits bouts comme ça qui étaient mis dans... Oui, parce que souvent, c'est ça. Dans des films de fiction, on mettait des morceaux d'animation qui illustraient un sujet. Et ça permettait comme ça de faire travailler un peu les animateurs. Donc, ça veut dire qu'il y avait des animateurs assez tôt. Il y avait des studios à l'époque où il y avait des... Le système des studios s'est développé en Chine depuis les années 20. Et les grands studios, justement, ont commencé à faire de l'animation très tôt dès les années 20. Est-ce qu'on sait s'il y avait une influence? Parce que donc dans le premier film des frères Wan, Atelier, beaucoup de gens disent ça ressemble un peu à ce que faisaient les frères Fleischer avec Coco sortant de l'encrier, ce genre de choses. Bien sûr, il y avait beaucoup d'influence. Et puis en fait, par exemple, Zhang Zuotao, qui était un peintre de Suzhou, qui a fait le premier film, qui était inspiré du Voyage en Occident, ce film-là, pendant longtemps, on n'a pas voulu... Enfin, je pense que les chercheurs chinois ne voulaient pas trop en parler, parce qu'il travaillait pour American Tobacco. Mmh. Et il avait déjà fait avant des films publicitaires, paraît-il, très très bien faits, très sophistiqués, parce qu'à ce moment-là, les publicités pour les cigarettes, c'était... Les boîtes de cigarettes étaient très très riches, et donc les... En fait, il avait appris la technique grâce à ça, puisque comme il travaillait pour les Américains, donc il était aux premières loges pour connaître la technique, ce qui n'était pas le cas des frères Wan, qui ont du tout redécouvrir par eux-mêmes. Alors les frères Wan, c'est vraiment les noms les plus importants quand même du début, c'est eux qui ont mis les bases de l'animation chinoise. En tout cas, pour ce qu'on sait jusqu'à maintenant, mais certainement qu'il y a encore beaucoup de choses qu'on ignore. Mais ce qui est intéressant, c'est que dès l'origine, c'est des peintres qui sont à l'origine, des peintres et des dessinateurs qui sont à l'origine du cinéma chinois d'animation, comme de beaucoup de cinémas. Mais c'est les gens liés à la modernité qui venaient dans les grandes villes, notamment à Shanghai, et qui commençaient à travailler pour la publicité, et aussi quelquefois à faire des comic strips dans les journaux. Et puis qui illustrait le très grand nombre de revues qui se sont développées à partir du début du siècle. Tout d'un coup, l'imprimerie s'est généralisée, les impressions, les journaux illustrés. Il y a eu tout d'un coup des possibilités magnifiques. Alors la caricature qui s'était beaucoup développée au 19e siècle, ben, tout d'un coup a trouvé un exutoire magnifique. Et comme les Américains, en fait, se sont beaucoup inspirés de ça pour faire les premiers films. Après, ça suivait aussi ailleurs. Par contre, ce qui est très important, qu'on voit, alors, dès les premiers films, dans ce qu'on peut voir, c'est les décors qui restent très proches de l'art chinois classique, on va dire. Si on regarde Le Roi des Singes, qui est un peu plus vieux, hein, qui est dans les années 60, on a des décors. Moi, je suis toujours épaté de me dire qu'au même moment, il y avait Le Livre de la Jungle, par exemple, aux États-Unis, et que là, on a des... Enfin voilà, des montagnes qui sont presque carrées, enfin on joue comme vraiment... C'était tous des gens qui avaient fait de la peinture, même, ils avaient fait de la peinture traditionnelle aussi, puis ils étaient quand même, ils baignaient dans leur tradition, même s'ils essayaient de s'ouvrir aux nouvelles techniques des Occidentaux. Donc, évidemment, ils avaient toujours envie d'adapter des histoires à eux. Et une grande partie des histoires des premiers films sortent justement du voyage en Occident, qui est le grand roman mythologique qui, après, a suscité beaucoup, beaucoup de films. Qui, toujours aujourd'hui, hein, on essaie toujours de donner sa propre vision. Ben maintenant, en 3D, avec un trucage épouvantable. Scandale, on en avait parlé ici en disant que c'était terrible d'avoir fait ça. Qu'est-ce qu'ont amené les frères Wan? On parle souvent, c'est les premiers qu'on fait un film parlant, c'est les premiers qu'on fait un film en couleur. C'est vraiment eux qui ont mis, encore une fois, les bases. Alors, donc pas des studios, les studios existaient déjà. Ils ont travaillé dans des studios, dans une succession de studios. Et puis, bon, peut-être parce qu'ils étaient quatre frères au début. Après, il y en a un qui a fait de la photo. Ils sont restés quand même trois frères à travailler sur l'animation. Et parce qu'ils avaient cette passion, surtout Wan Liming, l'aîné des deux jumeaux, qui avait une énergie et une passion incroyables et qui était un peu le chef de bande. Et c'est vrai qu'ils ont eu vraiment de la suite dans les idées, alors qu'il y en a d'autres qui ont fait quelquefois des films et puis après ça n'a pas marché, ils ont abandonné, ils ont refait autre chose. Comme c'était des artistes, ils ont fait des caricatures, ils ont illustré des romans, ils ont travaillé pour la pub, surtout pour la réclame. À l'époque on disait la réclame. Mais en même temps, c'est sûr que les frères Wan ont un rôle à part. Et puis aussi, peut-être parce qu'ils ont raconté. Ils n'ont pas écrit de livre, mais Wan Liming a raconté à son fils. Et son fils à un de ses fils qui a écrit un livre. Et puis Wan Guchan, il avait pas écrit non plus. Mais dernièrement, il y a son fils qui maintenant a plus de 80 ans, qui a fait une longue interview très très intéressante, particulièrement sur la princesse à l'éventail de fer, la fabrication de la princesse à l'éventail de fer. Et là, ça a été après retranscrit par une université, et donc on peut le trouver sur Internet. Et moi, je l'ai beaucoup utilisé pour un article qui devait être publié dans 1895, et puis après, le projet de faire quelque chose sur la Chine a échoué. Mais il faut faire un très gros article sur la princesse à l'éventail de fer, et qui montre beaucoup de choses nouvelles par rapport à ce qu'on savait jusqu'ici, en partie grâce à cette interview. Donc, il y a évidemment des histoires qui ont été racontées sur les frères Wan, peut-être plus que sur d'autres. Oui, donc c'est ça qui... peut-être pour ça. Est-ce qu'on peut quand même voir, quand on voit justement la princesse à l'éventail de fer, et quand on va voir ensuite le roi des singes par à la suite, etc., il y a quand même une réflexion sur le médium de l'animation? Quand la princesse à l'éventail de fer, c'est vraiment quelque chose de tellement, tellement exceptionnel. On est en 40. C'est le premier film asiatique, long métrage d'animation. Mais quand on le regarde de près, on peut le regarder indéfiniment. On retrouve, il y a des subtilités, des trucages, ça va très très très vite. Ouais. Donc au premier abord, il y a beaucoup de choses qu'on voit pas tellement ça va vite. Mais il y a une telle invention dans ce film, c'est tellement inouï. En même temps, ils ont vraiment essayé de faire quelque chose d'original, parce que c'était à la suite de Blanche-Neige, mais ils n'ont jamais copié Blanche-Neige. Bon, on peut dire qu'il y a quelques influences, forcément, il y a toujours des influences américaines, puisque les cartoons américains, d'ailleurs au début les films chinois, on les appelait aussi des cartoons, étaient montrés à Shanghai, donc c'est là qu'ils avaient vu quand même les premiers films d'animation. Mais en même temps, c'est vraiment une histoire traditionnelle chinoise. C'est simplement qu'ils se sont dit, la princesse Blanche-Neige, parce qu'on disait la princesse Blanche-Neige, la princesse Blanche-Neige a eu du succès, donc du coup, ils ont proposé à un producteur de Shanghai de faire une princesse chinoise. Oui, mais d'un seul coup, c'est étonnant, l'énergie n'est pas le même dans le film, enfin, il y a un rythme qui est complètement différent. Encore une fois, des décors qui sont étonnants. Les moyens, parce qu'ils avaient presque pas d'argent. C'était en période de guerre. Alors One Amig avait fait un projet, puis quand il a présenté ça à la compagnie, mais la compagnie n'avait jamais fait d'animation. Ils se sont pas rendus compte dans quoi ils s'engageaient, parce qu'après, évidemment, il n'y avait pas assez d'argent. Donc le projet a clapoté au milieu. Après, ça va être en couleur, c'est ça, même, à un moment donné? Ouais. Je crois que j'avais lu ça, mais ouais. C'est-à-dire que, non, il était absolument désolé que ça puisse pas être en couleur. Je crois qu'être en couleur, c'était vraiment au-dessus de leurs moyens. Mais je pense que peut-être il espérait que ça serait en couleur monochrome. Et apparemment, il a trouvé une succincte pour remplacer ça. C'est-à-dire que au moment des premières projections publiques, on mettait des verres de couleur. D'accord. Qui correspondent justement à de la couleur monochrome. Mmh. Parce qu'évidemment, ça leur faisait tellement mal au cœur que ça ne soit pas comme Blanche-Neige en couleur. Mais les moyens de Blanche-Neige par rapport aux moyens de la princesse à l'éventail de fer, c'est vraiment... Oui. C'est vraiment rien du tout. Et par exemple, il y a des gens qui ont dit que c'était de la rotoscopie. Mais c'est pas de la rotoscopie. C'est pas de la rotoscopie. Mais c'est impossible que ça soit de la rotoscopie. Comment ils auraient eu l'appareil pour faire la rotoscopie? Non, ce qu'ils ont fait, c'est très bien raconté justement dans l'article du fils de Wang Guchan. Il avait 13 ans à l'époque, donc il se souvient très bien. Et il allait tout le temps se balader au studio. C'est qu'ils avaient photographié les scènes avec des acteurs de la Xinhua, qui était la compagnie qui produisait le film. Et puis, comme le quatrième frère, il était photographe, il avait tiré de la pellicule, quoi. Et c'était sur le mur, dans l'endroit où travaillaient les dessinateurs. D'accord, donc c'était d'après photo, voilà. Photo, oui. Ah, c'est encore plus impressionnant, en effet. C'est quelque chose qui... Non, alors, pour la couleur, il y a un truc qui est très, très intéressant, c'est que, qui raconte, c'est que, en fait, les dessins étaient en couleur. Parce que Wang Guchan, son père, lui avait expliqué que si on filme le noir et blanc, de la couleur en noir et blanc, mais il faut dire que c'était du nitrate, hein, c'était pas du safety, c'était encore la beauté du nitrate. Mmh. Et il disait que si on photographie de la couleur en noir et blanc, c'est pas pareil que si on photographie du noir et blanc. Exactement. Il y a une subtilité dans les nuances de gris et dans les contrastes des noirs. Mais il faut dire que c'était du nitrate. Donc, est-ce qu'il existe des... magnifique. Ouais. Est-ce qu'il existe des bonnes copies aujourd'hui en Chine? Parce que malheureusement, nous, il n'y en a quasiment pas. On en a sur YouTube, non, mais qui sont terribles. On en a une là, qui a été restaurée grâce à votre oncle à Annecy. Elle est très très loin d'être parfaite parce qu'elle est partie d'un contre-type qui n'était déjà pas en très bon état. Bon, les Chinois en Chine continentale en ont un autre, mais j'ai trouvé sur Internet, il y a un site qui a une copie qui est vraiment assez bonne qualité. Ah. Et comme c'est un site culturel, je rêve peut-être un jour d'arriver à faire un DVD avec eux en faisant de la couleur monochrome, en reprenant le film, en travaillant avec justement les souvenirs, les articles, les choses qu'on peut trouver dessus, de l'époque même, quoi. On est obligé de passer, on va aller trop vite. Il y a un événement, mais je ne sais pas du tout s'il est finalement important. Il y a la visite de Norman McLaren en 49, il est invité par l'UNESCO. Est-ce que c'est vraiment important dans ce que va faire l'animation, ce que va être l'animation par la suite? Je ne sais pas si les Chinois eux-mêmes ne l'ont pas beaucoup su, ou en tout cas les quelques-uns qui travaillaient avec lui ou avec d'autres. C'était souvent des studios un peu d'éducation, du Kuomintang, etc. Donc après, on n'en a plus jamais parlé. D'accord, oui, donc c'est... Ça a été mis de côté. Mais néanmoins, c'est sûr qu'il y a des gens, par exemple Chen Jiajun, qui est un des grands, grands réalisateurs, qui avait déjà fait un film à Chongqing à la fin des années 40, à la fin de la guerre. Après, il a travaillé aussi comme ça dans des trucs de l'UNESCO... Bon, est-ce qu'il a peut-être un peu desservi par la suite, parce que il y avait quand même une méfiance très grande du parti vis-à-vis de tous les gens qui, de près ou de loin, avaient travaillé à l'époque du Kuomintang. Mais néanmoins, ils étaient aussi très utiles parce que ils avaient des connaissances qui parfois après ont pu être utilisées par le nouveau cinéma, parce qu'au début, il a fallu qu'ils réinventent beaucoup de choses par eux-mêmes. Et ils étaient coupés du monde, donc c'était difficile. À l'époque, à part peut-être pour quelques-uns, c'était souvent là-bas justement dans le Pognon et des Rats, dit quelques titres, les bonnes habitudes de l'enfant, comment se défendre de la tuberculose. On était beaucoup sur des choses voilà, de santé c'est ça, en fait. Ça, hein. c'est le cinéma éducatif. Ouais. L'UNESCO donnait de l'argent, les Américains aussi, certaines écoles, certaines universités. Et donc, il y a des gens qui ont appris aussi un peu comme ça. Et il y a une autre chose très intéressante, c'est que le troisième des frères Wan, il a travaillé dans une université qui était plus ou moins financée ou en lien avec les États-Unis à Nankin. Et là, ils avaient comme ça une section d'animation où il voulait faire des choses éducatives. Et après, il est allé se former aux États-Unis et il a travaillé longtemps chez Disney. Il a ramené d'ailleurs un bon titre multiplan qui était la grande spécialité de Disney depuis Blanche-Neige et qui était acquise par cette université. Et puis après, quand le Kuomintang est parti à Taïwan, ils ont emporté une partie de la machine, mais ils n'ont pas pu tout emporter parce que la partie trop énorme, ils ont dû prendre les objectifs, enfin, je ne sais pas exactement, mais pour moi les objectifs et puis l'appareil de prise de vue, mais le reste ils ont dû laisser. Et après, il a rejoint le cinéma d'animation de la Nouvelle-Chine et il a reconstitué la machine. Et c'est avec ça qu'ils ont fait leur premier film dans les années 50. Waouh. Donc dans les années 50, c'est la création du studio de Shanghai. C'est à ce moment-là. Il a déjà été créé en Mandchourie. Ouais. La première Tewei a été envoyé en Mandchourie en 49 et ils ont eu un premier groupe de 22 personnes. Il y avait déjà eu un autre groupe auparavant, mais qui avait travaillé pour l'armée, pour juste faire deux films. C'était pas encore très très développé, parce qu'ils étaient dans les montagnes, dans un endroit loin. Tandis qu'après, ils sont revenus à Changchun, et à ce moment-là, ils ont créé vraiment... Quand Changchun a été libéré par les troupes communistes, ils ont créé une section avec l'idée déjà qu'ils allaient développer du cinéma d'animation. Et ils ont envoyé Tewei et à la fin, il y avait 22 personnes qui après ont été envoyées à Shanghai au début des années 50 pour fonder la nouvelle entité d'animation qui a été d'abord incluse dans les studios cinématographiques de Shanghai, qui étaient des grands studios. Et puis qui en 1957 a eu l'autorisation de devenir un studio indépendant. D'accord. Et c'est appelé Studio d'art de Shanghai à partir de ce moment-là. Et là, nous, c'est ce qu'on connaît le plus et c'est toutes les merveilles qu'on peut avoir. Et notamment, évidemment, alors c'est des années 60, il y en a d'autres avant, mais l'un des plus connus, c'est les Têtards à la recherche de leur maman, de Tewei, justement. 60, la vie animée. C'est-à-dire qu'ils avaient trois sections dans ces studios d'art de Shanghai, c'est pour ça que Tewei a voulu l'appeler comme ça. Et après, dans ces sections, ils ont développé des nouvelles techniques, notamment cette technique du la vie animée. Et c'est très difficile pour comprendre pourquoi c'est si exceptionnel de faire de la peinture chinoise animée. C'est que la peinture chinoise, c'est le pinceau qui trace à l'encre des formes sur du papier qui boit l'encre. Papier traditionnel, le mûrier, qui boit l'encre. Et selon que vous appuyez plus ou moins, vous avez les tons différents, etc. Mais ça n'est jamais tranché. Les traits ne sont jamais tranchés. Et donc, on ne peut pas utiliser les cellulos. On ne peut pas faire de la peinture chinoise animée avec les cellulos. Alors, comment on fait de l'animation avec ça? Et c'est pour ça qu'eux, ils ont réussi à le faire. Parce qu'ils étaient dans un enthousiasme absolument incroyable dans les années 50. Ils pensaient que tout était possible. Et à force de travail, ils ont réussi à le faire. Mais même les Japonais ne s'y sont jamais essayés, quoi. Maintenant, avec les ordinateurs, c'est différent. Oui, mais on n'a pas la même chose. Je sais que j'avais demandé à George Fitzgibbon justement comment ça avait été fait. Et lui-même me disait que Tewei ne lui avait jamais vraiment dit. Après, on dit que c'est un secret. Bon, on peut comprendre un petit peu, mais c'est surtout du savoir-faire, de la patience, des essais. Ils ont fait beaucoup, beaucoup d'essais. Puis avec les Têtards, c'était déjà, comme disait Douane, celle qui faisait les prises de vue, les fonds étaient assez simples, mais après, quand ils ont fait la flûte du Bouvier, là, c'était vraiment beaucoup, beaucoup plus complexe. Mais Bon, puis le dernier film qu'a fait, enfin le The Way, Impression de Montagne d'eau aussi, c'est très complexe. Est-ce que si c'est pas distribué, alors sûrement parce qu'on connaît pas tous les films, et je vais dire sûrement une grosse bêtise, mais qui peut-être peut être la première chose qu'on voit quand on voit un peu ces films-là, c'est qu'on a l'impression d'une production plutôt pour un jeune public, entre guillemets, parce qu'évidemment, au niveau de la qualité, nous, enfin moi le premier, on adore ça et on trouve ça absolument magnifique. Est-ce que c'est complètement faux et il y avait non, beaucoup c'est pas de choses, complètement ou... faux, mais en même temps, c'est pas complètement vrai non plus, parce que, en fait, bien sûr, à l'instar de l'Union soviétique, après, à partir des années 50, l'idée, c'était de développer un cinéma pour les enfants. Bon, éducatif, mais éducatif entre guillemets, ça, parce que tout était éducatif. Montrer l'art à travers des films aux enfants, c'est aussi éducatif. Leur apprendre la beauté, l'esthétique traditionnelle, on peut dire que c'est éducatif. Mais c'était pas toujours éducatif directement. Quelquefois, c'était de très très loin. Ça dépendait des films. Mais en même temps, à ce moment-là, le cinéma, enfin, jusqu'à la fin des années 80, au moins, même encore les débuts des années 90, le cinéma était très très répandu en Chine. Il y avait des salles partout, dans tous les quartiers, dans toutes les organisations de travail. Souvent, on habitait près de son travail. Donc, il y avait des salles, et aussi, même à la campagne, il y avait des équipes itinérantes. Le cinéma était envoyé partout. Alors, on montrait toujours, ben, comme chez nous, le grand film et un court-métrage. Et le court-métrage, c'était très souvent de l'animation. Et donc cette animation, elle était montrée partout et tout le monde la voyait. Et là, c'était pas seulement, c'était vraiment tout public. Et en plus, après, c'était relié par ce qu'on appelait les xiaozhenshu, c'est-à-dire les bandes dessinées à la chinoise, des tout petits livres avec une page une page de dessin. Et en général, juste une ligne très courte. Il n'y avait pas de bulle en général, il y avait juste peut-être une ligne de texte en dessous. Et ça, c'était... Une fois que les films avaient été montrés dans les provinces, dans toutes les provinces, il y avait des dessinateurs, des peintres qui se mettaient au travail et qui faisaient ça. Et après, c'était lu par tout le monde. On les lisait dans la rue. Et tous les gens... Il faut se rendre compte que l'écriture chinoise étant si difficile, bien sûr, il n'y a pas beaucoup de gens qui avaient un degré d'éducation suffisant pour lire le journal, surtout à la campagne. Beaucoup, beaucoup de gens y connaissaient quelques caractères. D'ailleurs, jusqu'à maintenant, on le dit jamais, mais c'est quand même aussi la même chose dans certains villages. Parce qu'ils n'ont pas l'occasion d'entretenir leurs connaissances, même s'ils sont allés à l'école, puis il y en a aussi qui n'ont pas pu aller à l'école. Donc finalement, là, il y avait très peu de textes, il y avait les images. Donc ça continuait à vivre et à circuler. Malheureusement, ces bandes dessinées maintenant ont pratiquement disparu. Thank you. toujours Bulle de Rêve, bien sûr, sur Radio Libertaire. Deux heures spéciales consacrées uniquement au cinéma d'animation. On a entendu Martina Topley-Bird avec Phoenix juste avant musique. Et on a entendu un petit extrait d'impression de Montagne et d'eau, donc de Théo Hay, qui est juste magnifique. Voilà, je vous le conseille. Hein, le film est sorti, il y a un DVD qui est sorti au film du Paradoxe. Et enfin, bon, ça fait partie de ces films chefs-d'œuvre que tous les fans, amateurs d'animation, de cinéma tout court, hein, même évidemment, mais même d'animation devraient évidemment absolument avoir vu. C'est une pure merveille. On est dans les années, on est un peu plus tard, hein, dans les années 80. Est-ce que, pour revenir un petit peu à ça, donc il y a Le Roi des Singes qui est important, qui est fait en 60 et qui va vraiment sortir dans les années 80, réellement. Oui, oui. Est-ce qu'il y a un passage avec la révolution culturelle, évidemment, qui oui, fait que les animateurs déjà ne travaillent plus avant, ouais. Déjà avant la révolution culturelle, déjà à partir de 64, il y a un certain nombre de films qui ont eu des problèmes parce qu'ils n'étaient pas assez politiques. C'est tout d'un coup avec la campagne d'éducation socialiste. C'est l'avant révolution culturelle. Et puis après, à l'époque de la révolution culturelle, les studios ont fermé et les gens ont été envoyés à la campagne pour se rééduquer par le travail, ouais, manuel. Voilà. Il y a un texte très, très touchant. À ce moment-là, ils n'avaient pas le droit de peindre, bien sûr. Un texte très touchant, justement, d'Imagine the Pacific, d'un des frères Juan, qui doit être le plus âgé, qui explique que voilà, lui était spécialiste à planter les fruits. Son frère était spécialiste de faire, et c'est très... très touchant aussi. Enfin, Ada, voilà, Ada gardait les cochons avec Tewé. D'accord. Et Tewé disait ce qu'il y a de bien avec les cochons, c'est qu'ils sont tellement gentils. ce qui est très étonnant, c'est... Je trouve que quand on regarde, donc il y a cet âge d'or, on va dire, des studios de Shanghai, hein, jusque donc à peu près 64-65. Il y a cette grande coupure quasiment jusqu'au début des années 80, on peut dire. Non, déjà, jusqu'à 77-78. Il y a eu déjà dès 78 tout ce qu'ils n'avaient pas pu faire pendant si longtemps. Après, ils ont... Il y a eu quand même des films de fées, hein, déjà à l'époque de la révolution culturelle, mais ils ne plaisaient jamais, malgré qu'ils aient toujours des contenus très très idéologiques. Mais je pense qu'ils étaient encore trop sophistiqués et trop pour plaire. Donc, ils ont été très peu diffusés. Mais il y a quand même eu des films bien faits qui ont, techniquement, ont été bien faits. Mais après, dès 78, quand ils ont pu faire sortir ce qu'ils avaient dans le cœur, qu'ils n'avaient pas pu dire pendant si longtemps, là, tout d'un coup, ça a été une explosion à partir de ce moment-là. C'est étonnant, l'impression qu'il n'y a presque pas de perte de ces 10 ans sans rien faire, ou en tout cas sans pratiquer. Encore une fois, ils expliquent qu'ils ne pouvaient pas pratiquer. C'était vraiment, voilà, oui, oui. C'était interdit. Il pas pratiquer. Dessiner, quoi, tout même simplement. Même Tewé, il m'a raconté que, oui, il se débrouillait dans sa chambre avec l'eau du thé pour faire des dessins sur la plaque de verre de la table, parce qu'ils avaient peur de plus être capables de dessiner. Donc, et il avait un journal, et donc si quelqu'un rentrait, il pouvait poser le journal, et ça ne se voyait pas. C'est tellement bête, parce qu'en plus, quelqu'un comme Tewé, c'est quelqu'un dans sa... vraiment très jeune, il a rejoint le parti, il était d'une famille très pauvre, il était totalement dévoué au parti. Oui, donc, mais c'est vraiment donc l'arrêt par rapport à... Bon, c'est bien, c'est, hein, c'est toute la... entre les lignes, disons. Oui, voilà, c'est ça. Donc, alors, encore une fois, ce qui est étonnant, moi, ce que je trouve surprenant, c'est vraiment le fait qu'il y a la... Princesse Neza, il y a plein de courts-métrages, j'ai l'impression de Montagne d'eau. On a presque, justement, ouais, comme vous dites, l'impression que là, il y a tellement eu à garder, tellement eu l'impossibilité de travailler de cette manière stupide, comme vous dites, pendant toutes ces années, que là, il y a un flot qui arrive, on a envie de... Explosion. Ouais. Par exemple, c'est au début des années 80 qu'on commence à faire les lavis déchirés, qui apparaissent dans un film de Hu Jintao de 77. Il y a des petits animaux, un chat dans une corbeille qui tout d'un coup est en la vie déchirée. C'est comme de la peinture chinoise animée, mais c'est pas de la peinture chinoise, c'est du découpage articulé. Et pour mettre au point cette technique, ils ont mis des années, parce que ils voulaient le faire depuis les années 60, mais ils trouvaient pas comment faire, parce que quand ils se sont mis à découper de la peinture chinoise, ça n'allait pas parce que c'était trop tranché, ils perdaient le flou. Même s'ils dessinaient sur du papier de mûrier, après, quand ils découpaient, ça n'allait plus. Et après, pour trouver la solution, ils ont vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup cherché. Alors là, c'est pas un secret, mais personne, on n'en parle jamais, ni sur Internet, même sur les sites chinois, personne n'en parle, et il y a très, très peu de Chinois qui comprennent comment c'est fait. Et en fait, ils ont trouvé un type de papier où ils faisaient leur peinture, la peinture de leur, du personnage, hein, c'est surtout des petits animaux, ça, c'est particulièrement bien pour les animaux. Et puis après, une fois qu'ils ont choisi l'exemplaire parfait qui va pouvoir être articulé, ben, avec un pinceau très très fin, on humecte le bord du dessin, du personnage. Et après, on tire entre les, là où c'est mouillé, ça va se déchirer, on déchire. Et du coup, les grains du papier sortent. Parce que c'est un papier très très, qui a une texture très très fine. Et ça fait pour faire les pelages des animaux, on peut pas trouver mieux, parce que ça, on a l'impression, on se dit, mais comment ils ont réussi à peindre aussi bien les pelages des animaux? Mais en même temps, pour faire ça, il faut un savoir-faire, ouais, une patience, c'est complètement fou, quoi. C'est extraordinaire, parce que c'est vrai qu'il y a un peu de marionnette, mais il y a très très typique, hein, parce que quand on connaît celle de Iri Trenka, quand on connaît même au Japon, etc., on reconnaît de suite un certain type de marionnette, je trouve, d'animation chinoise. Les films de poupées ? Oui. Ben, les films de poupées, c'est ce qui est le plus méconnu. C'est presque pas connu. Et là, on en a montré dans notre festival le mois dernier. Les gens étaient très, très impressionnés, parce que presque personne ne sait que les films de poupées en Chine ont atteint un tel niveau. Et c'est pas les poupées tchèques, mais c'est aussi étonnant. Mmh. Et c'est pas copié non plus, c'est pas non plus l'influence des Tchèques, même s'ils ont envoyé une ou deux personnes en tchéco au début des années 50. C'est qu'en réalité, c'est la tradition des marionnettes, de tous les types de marionnettes, du théâtre de marionnettes en Chine, tous les types de, et qui a fait que très très tôt, ils ont été très très forts pour faire les films de poupées. Le pinceau magique, 1955, là, quand je l'ai montré, les gens étaient vraiment impressionnés. Mais comment les poupées peuvent être maniées d'une façon pareille, en plus avec un scénario admirable? Mais le niveau atteint en 55, on n'est pas encore très loin. C'est une époque où la Chine n'est pas loin de la guerre de Corée. Ils ont eu des souffrances incalculables, ils sont dans un état de pauvreté totale, etc. Ils ont déjà un niveau incroyable. On a l'impression qu'ils se basent beaucoup sur les traditions millénaires qu'il y a eu dans le pays, la marionnette en effet, le lavis, enfin, oui, c'est des choses qui ont été travaillées depuis... Pourquoi, quand ils ont fait de l'animation, c'était des artistes, quand ils ont fait l'animation, ben, bien sûr, ils étaient nourris de... D'ailleurs, les frères Wan l'ont raconté, j'avais fait des interviews avec mon ami, ils racontaient comment, quand ils étaient petits, ils allaient à la fête de Confucius, une fois par an, à Nankin, ils étaient de Nankin, et il y avait une foire pour la fête de Confucius, et là, il y avait les théâtres d'ombre, les théâtres de marionnettes, et ils voyaient tout ça. Et après, quand ils rentraient, c'était plusieurs frères. Quand ils rentraient, ils essayaient d'en jouer, ils découpaient des formes, etc. Et c'est le jumeau de Wan Laming qui a introduit la technique du découpage articulé. Et le premier film est inspiré du Voyage en Occident. Comme toujours. Je la passe sec. Et je l'ai montré là cette fois-ci. C'est tellement drôle, c'est tellement bien fait, c'est tellement extraordinaire que jusqu'à maintenant, ça n'a pas vieilli du tout. Comment, impression de montagne d'eau, pareil, c'est aussi cette idée de l'encre de Chine, enfin voilà, qui est bu par ce papier et qui peut... Oui, c'est du lavis animé. Mais il y a du cellulose aussi, non ? La peinture chinoise animée. Il y a du cellulose, il y a des mélanges à des moments donnés, non, dans le film, qui paraissent étonnants. Ça joue beaucoup, c'est à partir de la flûte des Bouviers, il y a tout un travail à la prise de vue. Mais c'est quand même toujours de la peinture. Alors, il peut y avoir des cas où, en effet, on emploie à des moments brefs le cellulose, mais dans l'ensemble, c'est quand même... Il y a toujours ce rendu de la peinture, du vide et du plein, de ce léger flou qui crée cet espace de rêve. Et puis, bien sûr, l'accompagnement musical aussi traditionnel. C'était déjà le cas aussi pour la flûte du Bouvier. Uniquement la flûte, là, c'est le guqing, le qing, pas le Guqing, le Qing, ça, bien sûr, ça concourt aussi à recréer l'atmosphère de ces arts traditionnels que tous pratiquaient. On en parlait hors micro, et cette importance du vide, évidemment, dans l'image, du silence dans la bande-son, voilà, ouais. et ce jeu est absolument fondamental dans la... Cette chose si subtile et si intelligente, finalement, de l'art chinois, d'avoir joué là-dessus, sur le vide et le plein. Bon, il y a un très beau livre de François Chen Tixian là-dessus, qui attire l'attention, qui explique tout ça. Donc le roi des singes, on a évidemment qui est très important, hein, qui va passer à Londres, qui va passer au festival, qui passe à Cannes aussi hors compétition. Il avait été, dès la Révolution culturelle, il a été interdit. Donc il était sorti en deux parties. Alors la première partie avait été deux parties d'une heure. La première partie avait été montrée un peu. Mais la deuxième partie, sortie en 64, elle n'est pas sortie. Donc après, le film a été mis de côté. Et il n'est ressorti qu'à l'ouverture, quand les films, petit à petit, ont été de nouveau libérés. C'est tous les films de fiction, enfin tous les films du cinéma chinois. Ils avaient été mis de côté, ils ont pu ressortir. Et à ce moment-là, évidemment, ils ont été envoyés dans certains festivals. Et Londres, tout de suite, a donné un prix important au Roi des Singes. Et ça a attiré l'attention. Et nous, on a la chance qu'il ait été acheté ici en France par Jean-Florent Zanot, qui avait une toute petite boîte qui s'appelait Panta Productions, et qu'une magnifique version doublée a été établie avec l'aide d'un garçon chinois qui travaillait avec lui, qui s'appelle Jean-Paul Chang, Zhang Wenchen. Et ce film, après, a été... Il était question au début qu'il soit peut-être diffusé par UGC, mais finalement ça n'a pas marché, parce que c'est l'époque où Disney était encore tout puissant et où personne n'osait contre Disney. Mais le film a bien marché, hein. Du coup, après, c'est Vaugeois qui avait sorti Le Roi et l'Oiseau, qui a sorti aussi et qui l'a fait tourner pendant très très longtemps. En tout cas, il a marqué beaucoup de gens. Donc, ça, des générations de gens l'ont vu. Ça, c'était vraiment, c'est un film, encore aujourd'hui, quand on le revoit, c'est vraiment magnifique. Et puis, c'est une histoire qui tient encore très bien aujourd'hui, ce singe qui se bat pour son peuple. Oui. Et qui va faire n'importe quoi avec les dieux, et qui va. Oui, c'est un peu anarchiste, qui nous fait plaisir ici, évidemment. Il est rebelle à tout. Et bien sûr, les enfants apprécient particulièrement cet aspect de son histoire. C'est pour ça qu'il est interdit à l'époque ? Ou parce qu'on racontait soi-disant sur l'empereur, la verrue de l'empereur, mais je ne pense pas que ça soit aussi futile que ça. Il n'y a pas que celui-là. Ouais. La flûte du Bouvier a été interdite. D'accord. Énormément de films. Parce qu'ils n'étaient pas assez militants, ils ne parlaient pas des communes populaires, ils ont eu des problèmes. Ouais. Heureusement, ils sont revenus dans les années 80. Heureusement qu'on... Ils ont été bien conservés et quand même, ils continuent à exister. Ils continuent à exister, tout à fait. Qu'en est-il ? On a parlé beaucoup d'hommes. Qu'en est-il des femmes dans l'animation à cette époque-là, en Chine ? Il y a des réalisatrices de talent. Là, j'ai montré quelques films d'une réalisatrice qui s'appelle Lin Wen Xiao, qui a travaillé avec son mari Yan Dinxian. Yan Dinxian a fait des grands films. Il a été aussi à la tête des studios après Te Wei, quand Te Wei a pris sa retraite. Et c'est des gens qui continuent encore à faire de l'enseignement et ils sont encore très très actifs. Comme beaucoup d'ailleurs des gens des studios d'animation, quand l'animation chinoise a été privatisée au début des années 90, beaucoup d'enseignants sont partis vers les écoles et les écoles continuent quand même à former, au moins certaines d'entre elles, à former des gens qui s'intéressent encore à leur tradition, en tout cas qu'ils l'apprennent, parce que c'est toujours toutes les écoles qui enseignent l'animation, c'est des écoles d'art. D'accord, il n'y a pas d'école d'animation, il n'y a pas quand même à... Évidemment, je vais avoir oublié le nom, mais il y a ce fameux endroit Hangzhou. Hangzhou, il y a plein d'écoles où on dit que c'est juste énorme. Oui, mais ils font quand même partie de l'Institut des Beaux-Arts d'Hangzhou. D'accord. D'accord. Zhejiang, qui est à Hangzhou. Ça, c'est un des centres très importants. Il y a vraiment des gens qui font des choses très, très intéressantes. Bon, après, maintenant, l'animation, c'est sûr que l'animation chinoise contemporaine, elle est très, très mélangée, parce qu'il y a beaucoup d'influences venues de l'extérieur. Et puis le pays est immense, donc il y a de tout, c'est tous les styles, mais il y a une richesse absolument incroyable et beaucoup beaucoup de choses à découvrir. Alors on va venir là-dessus. Donc juste pour finir, donc les femmes dans l'animation, il y a pas forcément plein de réalisatrices à l'époque, si. Donc cette réalisatrice, mais il y a quand même pas mal de gens qui travaillent dans les studios, bien sûr. Et puis, disons, on peut dire qu'un des premiers films qui avait été fait déjà avant 40, Chen Boer, qui est à l'origine d'un des deux premiers films qui ont été faits dans le nord de la Mandchourie en 47-48, ils étaient faits par une actrice qui s'appelait Chen Boer et qui avait décidé qu'il fallait faire de l'animation, que ça permettait de montrer aux gens simples. C'était pas pour les enfants, mais c'était pour les soldats qui était sur le front, pour les paysans dans les régions libérées, etc. D'accord, pour transmettre des messages, enfin, pour transmettre des messages, voilà. Puis en même temps, oui, les éduquer, leur apprendre. Alors là, c'était déjà la guerre civile, donc c'était anti-Chiang Kai-shek en général. Est-ce qu'on a oublié des techniques? On a parlé de quelques techniques. Est-ce qu'il y a des techniques dont on aurait... Mais il y a encore une technique qui est très très intéressante et une chose magnifique, c'est que maintenant c'est disponible en France, donc les gens peuvent juger sur pièce. C'est les papiers pliés. En fait, c'est quelqu'un qui s'appelle Yu Zheguang qui travaillait à la section de poupées et qui lui-même était un très très grand spécialiste des marionnettes. D'ailleurs, il avait réorganisé la société des marionnettistes à Shanghai, lui-même en jouait des deux mains absolument parfaitement, de plusieurs types de marionnettes, les ombres ou aussi les marionnettes à gaines. Et c'est quelqu'un qui avait un niveau extraordinaire. Et un jour, il a proposé à Jin Si, qui était à la tête de la section de poupées, il dit, j'aimerais bien que vous me laissiez faire un film différent, en papier plié. Il a travaillé un an tout seul. Et puis au bout d'un an de travail, il a sorti son premier film, Des petits canards intelligents. Et un distributeur français a vu un tout petit morceau d'un de ses films sur YouTube et puis m'a demandé. Et après, du coup, on a fait venir des studios Shanghai, tous les DVD de tous les films de Yu Zheguang. Et après, il a rassemblé des films pour faire un programme jeune public, avec aussi un dossier pédagogique magnifique pour que justement les enfants puissent eux-mêmes fabriquer les petits canards. Moi, j'ai fait des photos à Shanghai avec le petit-fils de Yu Zheguang qui avait participé au premier film. À l'époque, il avait 10 ans. Donc, il savait faire ça déjà avec son grand-père. Et puis après, lui-même, il avait travaillé dans les jardins d'enfants et il avait continué. Il a conservé jusqu'à aujourd'hui cette tradition. Et faut dire que c'est vraiment très, très impressionnant parce qu'il n'y a rien. C'est une feuille de papier pliée. Ce n'est pas des origamis. Hein. C'est une feuille de papier pliée en deux. Donc, ça a beaucoup moins de volume que les origamis, qui sont aussi une technique traditionnelle chinoise, mais plus connue à travers... la façon japonaise, qui est la même d'ailleurs, enfin, mais disons, c'est venu de la Chine, mais après, c'est plus connu par les Japonais. Mais par contre, ça, ces papiers pliés que fait Yu Zheguang, c'est moins connu à l'extérieur de la Chine. C'est juste une feuille de papier, donc c'est tout vide. Et comment les personnages arrivent à avoir une telle présence, c'est beaucoup le maniement. Alors, les gens qui maniaient, là, justement, il y a une femme qui était très célèbre, qui s'appelle Lu Hang, qui est extraordinaire, parce que en stop animation, tout ça en stop animation, on n'a pas dit, parce que les poupées, c'est tout en stop animation. C'est quand on entend ça, bon, l'ordinateur a pris la place qu'on sait, mais on regrette encore presque plus, évidemment, qu'ici, où le papier est le même papier, quasiment, même si on peut jouer avec le papier, mais là, entre la vie découpée, entre ça, tous les découpages, etc. On se dit, il y a une telle richesse du papier chinois qui est de plein de styles complètement différents qu'on peut regretter encore plus parce que quasiment plus rien se fait comme ça aujourd'hui. Oui, mais en même temps, je crois que si on monte aux enfants, ça les passionne, hein, ici comme ailleurs. Puis il y a toutes sortes de papiers qu'on peut utiliser. C'est finalement, il faut juste un papier un tout petit peu fort. Puis après, après c'est armé avec des fils très très fins, des fils de métal très très fins. Mais ils peuvent assez facilement le fabriquer. Il y a des ateliers. Hier, j'étais à Angers. Et après à Saumur, à la médiathèque de Saumur, j'ai vu, il y avait des dossiers, il y avait des ateliers pour les enfants, et les enfants sont ravis, ça marche très très bien. Alors, on a fait un peu moins d'une heure, mais j'espère qu'on a un petit peu vu tout ce qui pouvait, pas tout, mais une toute petite chose. Est-ce qu'il y a des noms qui pourraient être, on en a dit quelques-uns, on a dit Toei, on a dit, alors je ne sais pas comment prendre, c'est Aouda. C'est ça, Adao, pardon. Ça, c'est des noms un peu importants qu'il faut connaître, sachant que... Et aussi Wang Shushen, c'est des gens qui étaient des vrais génies de l'animation. Et puis, comme ils sont morts tôt, Toei est mort âgé, mais Ada et Wang Shushen, ils sont morts trop jeunes parce qu'ils se sont aussi épuisés. Parce qu'après, quand ils ont pu travailler, ils avaient une boulimie de travail, ils n'arrivaient plus à s'arrêter. Donc, ils sont morts à la tâche. Et après, du coup, l'animation chinoise a terriblement perdu de leur disparition. Mais il y a aussi énormément de gens qui sont très, très peu connus ici et qui sont absolument fabuleux. Et sur lequel il faudrait arriver à attirer l'attention. Là, nous, on a fait un hommage à Tian Jiajun, qui est un très très grand, qui a beaucoup collaboré avec Toei, la même génération que lui. Et aussi, on a fait un hommage à Hu Jinqing, qui est un personnage absolument extraordinaire, qui est toujours là. Malheureusement, maintenant, sa santé n'est pas très bonne. Et puis il y a Pu Jiaxiang, on avait vendu, enfin les films du préau avaient acheté L'écureuil coiffeur il y a quelques années, qui est un film absolument merveilleux. C'est lui-même peintre, mais ce qu'il y a de formidable, c'est qu'il a fait plein de films différents, et toujours avec des peintres différents, et toujours dans des styles différents. Et maintenant, il a plus de 80 ans. Il avait un dernier projet, je ne sais pas s'il va arriver à le réaliser, parce que maintenant, peut-être il n'aura plus la force, et puis personne non plus soutient ce genre de choses. Alors, il y a plein de noms. Si vous allez sur The Web Anime aujourd'hui dans l'annonce, vous pouvez cliquer sur le nom de Marie Claire et vous tombez sur le programme des trésors méconnus du cinéma chinois d'animation, pardon, qui a eu lieu du 17 au 23 septembre. Vous avez plein de noms qui sont là-dedans, sur le site aussi. Mmh. Il y a même il y a tout un lien avec plein de noms. Et enfin voilà, on commence à avoir un peu un archivage. Et puis un peu plus tard, il y aura un catalogue. Et puis sur le site, on va développer beaucoup de choses sur l'animation. Pour l'instant, c'est encore assez succinct. Mais il y a déjà des fiches sur des films. Oui, et puis oui, après, oui. On va en mettre de plus en plus pour essayer de donner aux gens des outils pour ceux que ça intéresse. Alors, je vais te demander, Nicolas, on va juste passer la piste 11 et la piste 12, je pense. Il n'y a pas de 11 et de 12. Pardon, c'est mon truc, celle d'après, en fait, qui doit faire une minute chacune. C'était presque trop parfait. Mon enfance vit dans la montagne de la montagne. Les villages autour sont couverts de la neige. Quand la saison de la neige commence, Oui, Oui, j'aurais pu vous prévenir, mais non, je vous ai pas prévenu, évidemment. C'était normal, hein, la musique, la bande-son tout à l'heure. Je sais, il y en a qui ont dû dire, mais c'est pas possible, qu'est-ce qui se passe? C'est fait exprès. En fait, je voulais juste, on va vraiment avoir 5 minutes pour parler de ça, mais je voulais insister parce que pourquoi aussi parler aujourd'hui du passé du cinéma d'animation chinois? C'est que je pense qu'il y a une grosse erreur qui est faite en Occident, mais ça qu'on aime bien faire, c'est de voir l'animation chinoise quelque part uniquement comme des sous-traitants. Des gens qui voilà sont là pour faire de l'animation pas chère, et c'est il y a sûrement ça par rapport à des séries américaines, des séries japonaises, voire même évidemment des productions françaises, mais il y a heureusement de plus en plus un vrai talent et une vraie énergie créatrice qui vient de la Chine, et je pense que on s'en rend pas suffisamment compte. Alors je dis ça peut être prétentieux, je sais pas si moi je m'en rends compte plus que d'autres, c'est juste que quand j'ai fait les sélections à Zagreb par exemple, des choses comme ça, j'étais surpris de voir à quel point il y avait des choses étonnantes. Vous avez entendu donc un extrait d'un film qui s'appelle Horse de Chen. Alors je prononce mal Chenjie. Voilà, S-H-E-N, plus loin J-I-E. Un autre juste après qui était Ketchup de Yan Baichen et Guo Chunning. Désolé, je mettrai ça. Mais vous avez des gens comme Lei Lei, Tsung Tsun, qui sont des artistes contemporains qui se mettent aussi à faire de l'animation. Et vous avez en long métrage un film qui s'appelait Piercing One de Liu Jian, qui était absolument étonnant, qui montrait aussi des choses assez. Enfin, qui ne s'était pas montré la corruption, qui ne s'était pas montré ce genre de choses. Liu Jian travaille aujourd'hui en France avec. Un photographe, et voilà, ils vont travailler ensemble sur son travail à lui. Et en fait, je voulais parler de ça parce qu'on parle beaucoup de chiffres d'affaires. Alors, les chiffres dès qu'ils viennent de Chine sont mirobolants, hein. 10,5 millions de chiffres d'affaires en 2013 avec 29 000 d'animation. Il y a 220 000 personnes qui travaillent dans 4 600 studios chinois. Les salaires seraient en augmentation. On est toujours submergé par ces chiffres quand ça vient de Chine. C'est tellement des proportions différentes de nous. Mais c'est pas ça qui est. Enfin, c'est évidemment présent. Le gouvernement met de plus en plus d'argent pour des choses commerciales, évidemment, pas pour des artistes. Hein, voilà. Mais il y a des artistes quand même qui sont là aujourd'hui. Il y a des artistes qui sont là, mais leur problème, c'est qu'il n'y a pas de diffusion. Ouais. Donc c'est encore difficile. Il y a des diffusions seulement sur les téléphones, sur Weibo, sur Internet, mais il n'y a rien qui puisse les faire vivre. Donc beaucoup d'entre eux, une fois que. Enfin, les artistes encore s'en sortent, ils arrivent à se faire reconnaître comme artistes parce que leurs œuvres peuvent être achetées dans des musées. Mmh. Mais pour les autres, beaucoup de gens, une fois qu'ils ont étudié l'animation, après ils sont obligés de faire autre chose parce qu'il n'y a pas de débouché. Et bon, mais ça changera peut-être parce que après avoir fait tant de films commerciaux qui souvent ne plaisent pas, aussi pour la télévision, des émissions qui sont toujours les mêmes et quand même assez affligeantes. Peut-être qu'à un moment donné, le public aura envie d'autre chose, et à ce moment-là, on sera bien content de trouver le relais des artistes, des gens qui ont encore un bon niveau artistique, qui peuvent faire des belles choses. C'est-à-dire que les auteurs sont là, et il n'y a plus qu'une obligation maintenant pour le gouvernement, pour le public. Il y a même des œuvres qui sont là à la télévision depuis des années et qu'on ne veut même pas montrer. C'est-à-dire qu'on ne montre plus, tous ces anciens films là, du show Shanghai par exemple, ne sont plus montrés oui, du tout aujourd'hui. Oui, même des choses qui ont été faites plus tard. Nous là, on a montré un film fait par Rui Rong, qui est une boîte de la télévision, qui travaille avec CCTV. C'est un film sur la musique qui a été fait par Pu Jiaxiang en 98. Puis après, ça, c'est complètement aux oubliettes. Même pour avoir une copie, ça a été très très difficile. Mais c'est plus jamais montré, c'est presque totalement disparu. Mais il y a beaucoup de choses comme ça, en fait. Il y a des trésors qui dorment et qui sont. Et après, petit à petit, ça se détériore. Parce que, comme ça n'intéresse. C'est pas suffisamment valorisé. Donc, c'est pour ça que ça serait bien qu'il y ait des festivals un peu à l'extérieur, des gens qui réclament. Et, parce que ça permet à certaines de ces œuvres de continuer à vivre. Ça, c'est un combat difficile. On en parlait en micro, Trésor méconnu du cinéma chinois d'animation. Donc, c'est qui a eu lieu du 17 au 23 septembre. Ça a été compliqué à mettre en place. Il y a des droits qu'il faut aller chercher dans des studios différents, etc. Faut demander évidemment tout ça. Les studios Shanghai ont apporté une aide très importante. Ils m'ont même permis de faire tirer des nouvelles copies. Ils m'ont donné des copies les meilleures possibles des films que nous avions choisis. Donc ça, à ce niveau-là, c'était magnifique. Et pour eux, c'est très dur parce qu'ils ont des budgets très misérables. Donc c'est vraiment parce qu'ils ont compris que ça serait bien de faire connaître un peu une animation qui maintenant n'est plus connue aucune part, en fait. Mmh. un tout petit peu aux États-Unis, mais très très peu ailleurs. Ouais, parce qu'avant, les, au moins, des films étaient... Enfin, je sais pas, là, je pense que la diaspora servait à ça, mais maintenant, plus non, maintenant. Mais maintenant, la diaspora, ils se lamentent qu'ils ne peuvent pas trouver de DVD, ils peuvent pas, ils voudraient bien pouvoir montrer à leurs enfants. Et puis tous les gens qui ont vu certains de ces films quand ils étaient jeunes, ils aimeraient bien pouvoir les montrer aux jeunes générations, mais c'est plus disponible aucune part. Alors moi, je rêve d'arriver à faire peut-être une collection de DVD, mais il faut quand même avoir un peu de financement pour acheter des droits. Et à ce moment-là, on ne trouve plus personne. Vous l'aurez compris, cette émission, elle est faite aussi, ben, chance de rentrer main éclair en début d'année pour un festival, et c'est un à la fois, ben, par rapport à toutes ces connaissances, je pense que c'est évidemment fondamental de faire une émission trop courte, forcément trop courte sur ça, mais c'était aussi comme un appel en effet qu'elle vient de lancer, c'était juste de dire que des festivals, si on veut que ce cinéma chinois finalement, en effet, soit reconnu et puisse d'un seul coup revivre à l'intérieur même de la Chine, c'est-à-dire faire comprendre aux Chinois l'importance de cinéma et l'importance de le maintenir en vie, c'est évidemment de faire des rétrospectives. C'est évidemment oui, des rétrospectives de, voilà. Et des rétrospectives tout public. Parce que beaucoup de ces œuvres sont vraiment tout public. D'ailleurs, à notre festival, c'est surtout des adultes qui sont venus. Et ils étaient absolument enchantés. Parce que, bien sûr, il y a des films qui sont très bien pour les enfants. Mais ça n'empêche pas les adultes d'en tirer beaucoup de plaisir aussi. Il n'y a pas de raison de te séparer. Vous aurez tous les contacts sur le site pour Maïkla. N'hésitez vraiment pas. Je pense que c'est, enfin voilà, c'est important. Il y a eu des choses qui ont été faites avec Fontevraud et Xavier Kawatopor l'année dernière, non, ou cette année. Cette année qui sont faits. Il y a ce festival. La Rochelle l'année prochaine, peut-être. Et puis bon. Donc voilà. Donc on lance. J'espère pouvoir l'amener dans ce festival que vous connaissez, sur lequel je travaille, que j'apprécie, qui est bien sûr Meknès, FICAM, car évidemment il est important de pouvoir aussi mélanger comme ça les cultures et pas seulement qu'en Occident, mais les amener aussi bien, bah, évidemment en Amérique du Sud ou en Afrique. Je vous rappelle quand même que ça n'a rien à voir, je sais, mais il y a des films chinois qui ont marché en Afrique. Hein, Bruce Lee aujourd'hui est toujours distribué, c'est même l'un des plus grands noms aujourd'hui encore, donc le cinéma chinois évidemment est apprécié. Il y a l'idée aussi de mettre des... Il y a une remise des prix pour le festival, c'est-à-dire quand même d'amener ça aussi comme dans un, on va dire, un festival pour... que la presse puisse venir, etc. Oui, c'est ça. Donc il y a eu une remise, et cette année, la remise des prix, le film a été donné à 4 prix en fait, c'est ça, 4 prix d'honneur, il y a 4 prix d'excellence. C'est pour l'animation classique, on a seulement fait des mentions. D'accord. Mais par contre, pour les jeunes talents, on a donné un prix en argent, parce que ça peut permettre justement de faire un deuxième film Bien sûr. À un jeune... Donc c'est ça qui nous intéresse, et ça on va essayer, si on peut, dans le cadre de notre association, de continuer par la suite, puisque maintenant on a beaucoup de contacts avec des écoles et avec beaucoup de gens qui nous ont suivis en Chine pour cette manifestation. En tout cas, c'est vraiment important, il y a plein de grands réalisateurs chinois aussi, hein, Chen Chen, par exemple, qui a fait La Poudrière, il y en a de plus en plus à l'MK, enfin c'est vraiment... les noms seront très importants. J'aurais voulu parler aussi un tout petit peu, mais on n'a pas le temps, évidemment, d'autres grands, enfin, pays importants, évidemment, pour la Chine, qui sont Hong Kong et Taïwan, avec quand même des choses intéressantes. Hein, voilà, on a montré des films de Taïwan et de Hong Kong aussi dans les films d'école. Avec des choses, voilà, qui commencent à être de plus en plus intéressantes. On aura l'occasion de refaire une émission, j'en suis persuadé. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Vraiment, merci infiniment d'être venu.